seul et solitaire. Je rêvais d'une équipe solidaire, mais tout le monde joue au solitaire. Je titube, saoulé par la solitude, j'écris des tubes, je perds mes thunes. Une vie rude, perdue dans les dunes. Un cœur qui endure tous les coups durs. J'encaisse sans jamais rendre la monnaie. J'en perds mes forces, ma glace ne me reconnaît. Une silhouette qui s'affine, comme les tiges de semes de plus en plus fines. J'avance sans savoir où je vais, je dois l'avouer. Un réseau qui ne capte rien, c'est vrai, ro, je ne comprends rien. Le tchekar en guise de source qui me ressource, j'suis toujours hal. Car un jour tout va bien, un jour tout va mal. Personne pour te soulager, t'encourager. J'suis pas âgé mais j'suis courageux. La zik, j'allais arrêter, j'avais tout rangé, j'me voyais plonger. On se voit beau, on se croit fier, jusqu'à en oublier ses frères. La discussion s'arrête à des chiffres et des zéros derrière. Aujourd'hui, personne ne suit derrière, comme demain et comme hier, seul, comme dans un cimetière. Petit à petit, on perd sa famille comme on perd l'appétit. Un album, ça se fait pas tout seul, comme l'oseille d'ailleurs. Dans ce monde de brut, on a besoin de douceur. Une douleur partagée, QG enragé, dégagé. Solitaire, mais solide comme mon terre-terre. T'inquiète pas pour moi, je vis frère. La tête ailleurs, mets les pieds à terre. Un spliff de BR et j'ai les nerfs. On s'abandonne comme des chiens. Frérot, reconnais-tu les tiens? J'ai beau chercher partout, je ne trouve pas les miens. La solitude a fait le tri et le fait bien. Solide et rude, à chacun la sienne. Elle sera là quand je serai au sol et monterai au ciel. On se perd tout seul, en perdant les siens. Les liens se délient, on se dit frère de Daisy. Mes fesses, oui, je dédie à mes proches. Rien dans les poches, solitaire, cagoulé, main boulée. Prêt à débouler, dégoûté, de la vie écoutée, dérouté. Prêt à écouler de la blanche pour enflouer un compte qui flanche. Au bout du compte, une aventure sans arriver. Trop loin du rivage, attiré, au large épuisé. Ma force dans le courage, j'ai puisé. Plus proche du départ que de l'arrivée. Mais que peut-il nous arriver? Un spliff de seum dans la boca. Je tourne en rond comme un poisson dans un bocal. Fais tourner le son, c'est du local. MC, garde la pêche, garde le moral.